Bonjour et merci d'être avec nous et bienvenue à cette édition de ce vendredi, le 8 décembre 2017, et donc voici d'abord les grands titres. À la célébration de la 15e anniversaire de la radio Isanganiro, Sylvestre Nakarutimana, le directeur de cette radio, fait savoir qu'ils ont choisi de venir en aide aux personnes âgées du site de Kagwema, commune Gihanga, dans la province de Bouanza. On en revient longuement tout au début de ce journal. À la une également, les populations vulnérables de la province de Bouanza auront désormais accès à la justice facilement puisqu'ils seront assistés dans le projet Menya Utunga Nigwe. Notre correspondante à l'ouest du pays nous en dira plus. Et en actualité internationale, les manifestations anti-Trump en Tunisie sont des centaines à avoir manifesté dans le centre de Tunis et scandent des slogans anti-Trump. Voilà, chers fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, les détails. Du côté de la vitrine, Séraphine Hakizimana, à la présentation, Evrard Havdiariman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh bonjour et bienvenue encore une fois dans cette édition de la mi-journée de ce vendredi, le 8 décembre 2017. Mais avant de développer ces titres, une plénière terminée en quai de poisson. La plénière qui était prévue à l'hôtel Ngoulou Douto pour l'exposer des commentaires sur le document du facilitateur Benjamin William Mukapa n'a pas pu se tenir. Pour cause, le facilitateur parlait des associations et partis politiques affiliés au pouvoir et certains participants se sont soulevés dans la salle. Le bureau de la facilitation a alors décidé de ramasser le document contenant le commentaire des groupes et a clôturé la session de 13 jours. Cela a causé une frustration au sein de certains participants. Nous devons toutes ces informations à mon confrère Pascal Nyangunze. Il est l'envoyé spécial de la radio Isanganiro depuis l'hôtel d'Ngoulou Douto à Arusha en République unie de Tanzanie. L'objectif de cette séance était pour l'exposé des commentaires de chaque groupe sur le document de 5 pages que le facilitateur a présenté aux participants au dialogue. Et ce document contient les points de divergence et de convergence qui ont été soulevés par les participants. Ces commentaires avaient comme objectif de permettre l'amélioration du document final à soumettre au chef d'État de l'IAC et au médiateur de Kaguta Museveni. Oui, il y a certaines informations selon lesquelles la session n'a pas été clôturée. Pour quel motif? On ne peut pas dire que la session n'a pas été clôturée, mais tout simplement, elle a été clôturée en queue de poisson, car juste à l'ouverture, le facilitateur a demandé aux participants de se distinguer par leur groupe. Et puis, c'est lorsque la facilitation a demandé aux participants, et aux partis politiques et aux organisations de la société civile, qu'elle a dit affiliés au gouvernement de se mettre d'un côté et les autres qu'elle a attribués à l'opposition de se mettre de l'autre, et que la séance a été perturbée. Comment est-ce que les participants ont accueilli cette position du médiateur? Et ceux de la société civile voulaient qu'ils soient considérés comme neutres et les partis politiques qu'on a qualifié de pro-gouvernemental ne voulait pas être considéré ainsi. Alors le facilitateur a pris l'option de ramasser les commentaires disant qu'ils ont analysé avec son document par le médiateur et le chef de l'État de l'IAC. Et alors les participants sont sortis de la salle, les uns un peu fâchés, les autres étaient un peu contents. Oui, cette fois-ci, les journalistes, avez-vous pu approcher le lieu où se tient la session à Ngoulou Douto? Les journalistes allaient juste commencer à faire des interviews et avec les participants au dialogue juste à la sortie de la salle, mais le bureau de la facilitation a donné l'ordre à la police de nous chasser de l'hôtel Ngoulou Douto. Et la police nous a accompagnés jusqu'à l'extérieur, jusqu'à environ 5 km de l'hôtel. Pascal Nyangunze, c'est notre envoyé spécial depuis l'hôtel Ngoulou Douto à Arusha, en République unie de Tanzanie. Il répondait aux questions de ma consoeur Mireille Kanyang. Je vous le disais en titre, la radio Isanganiro a apporté ce vendredi une aide alimentaire et d'autres produits de première nécessité à 100 personnes âgées du site Kagwema, commune Gihang. Evariste Nzikobanyang a fait partie de la délégation envoyée à cette localité par la radio Isanganiro. Il vient d'être rejoint au téléphone par Joseph Nsabiyabandi. Oui, la radio Isanganiro se joint à ces personnes les plus âgées de Kagwema C'est une centaine, précisément, une centaine de personnes les plus âgées des indigents. La radio Sanganiro s'est jouée à ce groupe de personnes dans le but de célébrer le 15e anniversaire de la radio de cette station. De quelle façon la radio Sanganiro a apporté son soutien aux vulnérables de cette localité? Oui, la radio Sanganiro a apporté de vivre une aide humanitaire et constituée du haricot, du sel, de la farine de manioc, du savon et du lait à cette population la plus démunie de la plaine de la commune Gihanga, précisément à Kagwema. Comment les bénéficiaires de ce soutien de la radio Isanganiro l'ont accueilli? Oui, la population, la vieille population de Kagwema a bien salué ce geste posé par la radio Isanganiro en son anniversaire de 15 ans, et il demande aux autres bienfaiteurs d'emboîter le pas à la radio Isanganiro et leur apporter de l'aide humanitaire constituée de vivres, indiquant que le soleil accablant dont ils font face actuellement, ce soleil a empêché qu'il y ait de la production agricole dans cette plaine d'Olimbo. Il demande l'assistance de tout le monde, de tous les bienfaiteurs qui entendent ce cri d'alarme, et le gouvernement y compris. Variste Ndiko Wanyange, qui fait partie de la délégation envoyée à cette localité par la radio Isanganiro, répondait aux questions de mon confrère Joseph Nsabiaband. Et le directeur de la radio Isanganiro fait savoir qu'assister les personnes vulnérables est une motivation par la radio en cette célébration du 15e anniversaire fêtée habituellement le 18 novembre. Sylvère Nakarutimana explique que la radio a choisi de venir en aide les personnes âgées du site de Kagwema, commune Gihanga de la province de Ubanza, parce que le plus souvent cette catégorie de gens est parfois négligée. Suivez plutôt Sylvain Nakarutimana au micro d'Alida Ndaikids. C'est une bonne occasion pour nous rappeler notre idéal, notre devise, que le dialogue vaut mieux que la force, que nous voulons construire la paix à travers le dialogue, à travers le respect des droits de l'homme, en réconciliant le peuple burundais. C'est cet idéal que nous voulons aujourd'hui essayer d'en prendre comme un nouvel élan pour nous projeter dans le futur afin de construire une société de paix. La radio Isanganiro va célébrer cet anniversaire avec les personnes âgées. Pourquoi avoir choisi cette catégorie? Toutes les sociétés qui traversent des crises, ça laisse derrière elles des vulnérables. Nous considérons que les vieilles ou les vieux aujourd'hui qui ne sont pas assistés parce que la crise a détruit la structure familiale. Et donc aujourd'hui, nous faisons un geste, c'est pas une assistance tout à fait consistante, mais nous faisons un geste pour juste rappeler que qui a les moyens est appelé moralement à soutenir celui qui n'en a pas. Et si nous avons été à Kagwema, ça a été un choix, non pas du hasard nécessairement, c'est qu'aujourd'hui nous avons pensé à cette catégorie de personnes qui des fois est oubliée. Mais l'enseignement que nous voulons donner, c'est une sorte de rappel que nous devons nous aider mutuellement sans oublier les catégories des personnes âgées. Sylvère Nakarutimana, le directeur de la radio Isanganiro, au micro d'Arida Ndaikid. Vous écoutez Radio Isanganiro, les 13h05 à Bujumbura, 13h05 sur Isanganiro. On va marquer une courte pause avant de parler le transport. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, certains bicyclants en mairie de Bujumbura se trouvent dans un état critique, ce qui parfois déstabilise le transport de ces usagers. Ces derniers expliquent que des fois ces bis les blessent ou déchirent leurs habits et demandent en outre à la police chargée de la sécurité routière de bien contrôler ces bis de transport en commun afin de limiter les dégâts. Le reportage signé Arlène Iguiranet. Ici, c'est au centre de la ville de Bujumbura, plus précisément dans les parkings de bus. Quand tu y arrives, on observe beaucoup des bus qui transportent des personnes dont quelques-uns sont en mauvais état. L'une des personnes qui s'est exprimée sur le micro de la radio Isanganiro nous a dit que c'est pas facile de prendre ces bus parce que leurs pièces déchirent les habits de ses passagers. Il demande aussi aux responsables de ces bus de changer ces vieux bus tout en se référant aux bus utilisés dans la communauté est-africaine. Les bus de transport ne sont pas en bon état. Parfois, nos habits sont déchirés. Le gouvernement devrait mettre en place une politique d'importation de nouveaux bus de transport. Et l'autre précise qu'il s'assoit d'une façon très inconfortable. Il demande aux autorités compétentes de retirer ses véhicules de la circulation pour les remplacer par de nouvelles plus performantes. Beaucoup de bus qui font le transport des personnes dans la ville de Bujumbura, surtout ceux qui sont au campus Kiriri, sont vétustes. Il arrive des fois même où ces bus ne peuvent plus monter à cause de leur mauvais état. Chez certains, on s'assoit d'une façon très inconfortable. D'autres n'ont pas de frein. Il y en a aussi qui ont des sièges qui laissent à désirer, qui peuvent même déchirer les vêtements des clients, alors que les convoyeurs ne peuvent pas payer les dommages causés par leur véhicule. Demandons aux autorités compétentes de retirer ces véhicules de la circulation pour les remplacer par de nouvelles plus performantes. Le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, avait récemment annoncé que ce secteur devrait être revu. Revoir le secteur du transport des personnes et des biens, et cela à partir d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des véhicules de transport en commun, conformes à la loi, en bon état et qui sont propres. Les transporteurs indiquent que les véhicules de main droite qui sont pour le moment autorisés sont chers. Et le ministère du Transport à Arlène est en train de tout faire pour exiger la réparation des véhicules affectés au transport en commun en mairie de Bujumbura avant de continuer à assurer ce transport. C'est après un appel du président de la République qui demande l'amélioration de ce secteur. Le directeur du général du transport au sein du ministère du Tutelle indique qu'ils ont commencé à chasser de la circulation les véhicules qui sont en mauvais état en attendant la prise d'autres décisions durables. Suivez plutôt Consula Tanintunga au micro d'Aubin Nyongu. Je dois vous dire qu'on est en train de nous préparer. La première chose qu'on a déjà faite, c'est qu'on est en train de faire une activité, de faire des rafles pour tous ces véhicules qui sont en mauvais état. On est en train de mobiliser tous les partenaires pour qu'on se mette ensemble, on chasse certains véhicules qui ne sont pas présentables. Par après, on leur demande d'aller améliorer l'état de ces véhicules pour qu'après avoir terminé ces réparations, ils reviennent pour continuer le travail de faire l'activité de transport rémunéré. Oui. Cela est une solution, disons, provisoire. Oui, effectivement, c'est une solution provisoire. Pour une solution durable, nous avons préparé une note d'explication sur l'état des lieux des véhicules faisant le travail du transport rémunéré ici en ville. On a fait la note à l'autorité et on attend que l'autorité fasse une décision à l'envers de cette note. Oui, parmi les demandes des agents du service de transport privé, ils réclament les exonérations sur les véhicules à importer pour justement pouvoir améliorer le parc automobile ici dans les parkings. Est-ce que cette demande sera exaucée ou bien c'est une demande qui ne tient plus? Cette demande, compte tenu des réunions qu'on a fait ici et là avec les transporteurs ici en ville, ils nous disent qu'ils ne sont plus capables d'acheter les véhicules exigés qui sont conformes à la loi, même s'ils doivent le faire. Par exemple, ici à Bujumbura, le garage Toyota, c'est une référence pour ces véhicules qui remplissent les conditions en matière de transport rémunéré. Un bus Quaster s'achète à pas moins de 250 millions. Et ils disent que, vu leur valeur d'achat, ils ne sont pas capables d'acheter ce véhicule pour les faire injecter dans le transport ici en ville aussi longtemps que le prix du ticket pour eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler en perdant. Donc, je vous dirais qu'on est en train de chercher des voies et moyens pour surmonter tout ça en vue que le transport ici en ville soit un transport aisé. Consolateur Nintunga, le directeur général du transport, répondait aux questions de mon confrère Aubin Nyonghur. Améliorer le service de kinésithérapie pour les personnes vivant avec le handicap, aider les personnes handicapées à trouver de l'emploi sont l'une des préoccupations de l'Institut Saint-Quisito. Cela a été dit par la sœur directrice de Saint-Quisito au moment où le Burundi célèbre ce vendredi la Journée internationale des personnes vivant avec le handicap sous le thème des programmes de développement durable pour la construction d'une société inclusive. On va marquer une courte pause avant de parler les nouvelles des provinces. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h13 à Bujumbura, 13h13 à Bubanza. Les populations vulnérables auront désormais accès à la justice facilement puisqu'elles seront assistées dans le projet Menya ou Tunganigu. Un projet initié par l'Association des avocats sans frontières AICF en sigle. Le lancement de ces activités a eu lieu ce mercredi à Bubanza. Les détails dans cette correspondance de Space Caritas Kawanyan. Dans son projet, Menya Utunganigwe connaît les lois et réclame tes droits. Des formations vont être dispensées aux facilitateurs communautaires, appelés aussi les parajuristes, afin de les préparer à une résolution pacifique des conflits, selon une délégation de l'association Avocats sans frontières qui a initié ce projet. Aussi, les populations vulnérables auront désormais accès à la justice et pourront même être assistées d'avocats, selon Jean Bosco Harerimana, secrétaire exécutif de l'association pour la paix et les droits de l'homme, APDH en sigle. Un programme qui est destiné à une aide légale pour les personnes vulnérables de la province de Bubanza. Et au-delà de l'aide légale, c'est-à-dire être assisté par un avocat, accéder à la justice comme tout autre citoyen burundais, nous faisons la promotion de la résolution pacifique des conflits à la base. C'est ainsi que nous formerons des facilitateurs communautaires, aussi appelés parajuristes, qui contribueront à la résolution des conflits au niveau de la base, quitte à ce que les tribunaux soient moins chargés par les conflits qui pouvaient être terminés juste à la base. Le lancement officiel de ce projet, Menya Utunganigwe, connaît les lois et réclame tes droits, a eu lieu ce mercredi à Bubanza. C'est un projet de l'association Avocats sans frontières en partenariat avec l'Association pour la paix et les droits de l'homme, APDH, l'Association des femmes et juristes ainsi que les barreaux près de la cour d'appel de Bujumbura et de Gitega. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci. Space Retour à Bujumbura, renforcer la paix et la promotion du tourisme sont parmi les objectifs d'un tour du Burundi des cyclistes organisés par l'Africa Mashaliki Fest qui va rassembler les pays de l'Afrique de l'Est. Ador Ferukenghania, un des participants, a dit que c'est un honneur pour le pays lors d'une conférence de presse ce vendredi. Suivez-les, il est au micro de Didia Gahimbar. C'est un honneur pour notre pays d'accueillir pour la toute première fois un tour du Burundi, un tour cycliste qui a été baptisé Pédale pour la paix. Un événement sportif qui va rassembler toute la famille de l'East African Community et nous accueillerons ici des compétiteurs et des amis venus de Tanzanie, venus de l'Ouganda, venus du Kenya, du Rwanda et peut-être un délégué du Soudan du Sud. Nous sommes donc très ravis de dire à toutes ces délégations que nous attendons incessamment à Bujumbura. Soyez les bienvenus chez nous et je tiens à féliciter, à remercier de nouveau Africa Mashariki Fest. Et comme vous l'avez compris, nous allons pédaler pour la paix parce que nous avons besoin, nous comme Burundais, de renforcer cette paix dans notre pays. Si nous avons la paix, toutes les autres initiatives sont évidemment envisageables. Nous allons aussi pédaler pour assurer la promotion du tourisme dans notre pays et nous serons très heureux, en particulier pour la première étape, de pouvoir compter sur un appui technique, un hélicoptère qui pourra assurer les prises de vue aériennes. Et ceci va contribuer largement, non seulement à montrer les images des cyclistes à l'action, mais aussi les beaux paysages de notre pays. À 13h15 dans les studios de la radio Isanganilo, sans transition, plus de 4200 cas de grossesse non désirée ont été accueillis au centre Nourengaho dans une période de 3 ans, de 2014 à 2016. C'est ce qu'il dit Anosiata Karigwa, représentante légale de l'association Nourengaho, lors d'un atelier débat organisé dans le cadre de ces jours d'activisme et de lutte contre les violences sexuellement basées sur le genre. Juki Chantal Nkurunziza, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a vers cet atelier indique que la crise socio-économique qui a secoué le Burundi est à l'origine de ces cas de violences sexuelles faites aux filles et aux femmes. Un enfant de 3 ans du nom de Shadia El Akose est né avec une malformation cardiaque. Sa famille a besoin d'un montant de 1 200 000 pour que cet enfant puisse aller à l'étranger pour se faire soigner. Alexis Boutou, le représentant légal de l'association de Bon Sambalité, demande à celui qui veut sauver cet enfant de contacter cette association à travers la radio Isanganiro. Les détails de Léonce Ndaïchemet. Jadia Irakoze était un enfant de 3 ans. Sa mère, Nahondeleye Emmanueline de la zone Gihosha, dit que son enfant est né avec une malformation cardiaque. Elle demande une aide pour que son enfant puisse aller à l'étranger pour être soigné. Cet enfant est né avec une malformation cardiaque. Elle pique souvent des crises pendant lesquelles elle est hospitalisée et moi je reste à l'hôpital pour s'occuper d'elle. J'ai besoin de votre aide parce que je suis indigente. J'ai besoin de tickets d'avion pour que mon enfant puisse aller à l'étranger pour se Butoyi Alexis, le représentant légal de l'association Le Bon Samaritain, dit qu'il reste à collecter un montant de 1 100 000 francs pour que cet enfant puisse aller en France pour se faire soigner. L'enfant est né avec une malformation cardiaque, il a une cardiopathie congénitale, donc l'enfant il est né comme ça. Maintenant, c'est une fille de 3 ans, 2 semaines. L'enfant a eu la chance d'avoir des bienfaiteurs, un hôpital qui a voulu l'opérer gratuitement en France. Il y a aussi une famille qui va l'accueillir bénévolement chez elle en France. Donc, il fallait que les parents de l'enfant payent le billet d'avion, le passeport, les commissions médicales, les examens médicaux et autres. Par la grâce divine, une autre famille burundaise viennent de payer le billet d'avion pour l'enfant comme geste de Noël. Maintenant, il nous manque 1 100 000 francs burundais pour que cet enfant ait le nécessaire pour que aussi le programme soit maintenu, le programme de son opération. Qu'on ait le nécessaire rapidement, qu'on aille chercher aussi le visa rapidement. Je profite de l'occasion de demander à toutes les personnes de faire un geste de Noël pour cette famille si pauvre à jamais. Pour qu'il puisse avoir le nécessaire, c'est tout le passeport et autres documents. Alexis Butoyi dit que c'est lui qui veut donner son aide, peut le faire à travers la radio Isanganiro ou contacter l'association Le Bon Samaritain Burundi sur 79 445 016. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Oui, c'est sur ce site que vous nous captez depuis Tunis, dans la capitale de la Tunisie. En actualité internationale, manifestation anti-Trump en Tunisie. Sur les réseaux sociaux, mais surtout dans la rue, les Tunisiens ont exprimé jeudi leur colère suite à la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ils sont des centaines à avoir manifesté dans le centre de Tunis et scandant des slogans anti-Trump. Comme nous le lisons sur BBC Afrique, les protestations ont également eu lieu dans d'autres villes du pays, comme à Gafsa dans le centre du pays, à Fska à l'est. Les manifestants ont répondu à l'appel du syndicat des travailleurs de certains hommes politiques. Le syndicat tunisien des journalistes a appelé au boycott des activités de l'ambassade américaine à Tunis. Depuis jeudi, la route qui mène vers l'ambassade est bloquée par les forces de l'ordre. Du côté de l'ambassade de France, a appelé les ressortissants à la plus grande vigilance. Et le Parlement tunisien a été à l'occasion décollé de drapeaux palestiniens et tunisiens. Des manifestants nationaux sont entendus ce vendredi à 14h après la grande prière collective. Et voilà, c'est à 13h19 que nous mettons que nous bouclons la boucle de ce journal. Mais avant de nous séparer, un petit rappel des titres. À la célébration de la 15e anniversaire de la radio Isanganiro, Silver et Nakaru Timana, le directeur de cette radio, fait savoir qu'ils ont choisi de venir en aide aux personnes âgées du site de Kagwema, commune Gihanga, dans la province de Bubanza. À la une également, les populations vulnérables de la province de Bubanza ont accès à la justice facilement puisqu'elles sont assistées dans le projet Menya Utunganigwe. Notre correspondant à l'ouest du pays nous a dit pourquoi. Et en actualité internationale, manifestations anti-Trump en Tunisie sont de centaines à avoir manifesté dans le centre de Tunis. C'est scandant des slogans anti-Trump. Ainsi se referme ce journal. Merci. Merci de votre aimable attention. Merci aussi à toutes les équipes rédactionnaires et techniques qui m'ont aidé à le réaliser, à le présenter. Au micro, vous étiez avec Evrard et Javier Imana. Bonne suite de journée à tous et joyeux anniversaire à tout le personnel de la radio Isanganiro.